I'm Pain. Pain. Pain. It's alive! Depuis le début du cinéma, les productions d'horreur auront toujours tenu une place très importante dans cette industrie. Et surtout auprès du public. Les gens adorent avoir peur, mais de façon contrôlée. Donc, le cinéma, et un peu moins aujourd'hui, il faut se l'avouer, aura fait le travail escompté. Avoir peur sans que cela n'ait de conséquences, c'est comme avoir congé maladie sans être malade, ou avoir une voiture sans avoir à payer l'essence. C'est the best of both worlds! Et pourtant, si les gens prenaient tous conscience que les films d'horreur les plus horribles, ou du moins les plus crédibles et prenants, sont eux qui les font au quotidien, oui. Et non, je ne fais pas référence à tout ce qu'on peut voir dans les actualités, il ne faut même pas aller jusque-là. Des films d'horreur tout à fait horribles, bien vous en faites tous les matins en vous levant. Et ça, c'est vraiment épouvantable. Et en plus, pas besoin d'avoir le système Home Theater. La petite cuve blanche fait tout le travail au niveau des effets. Une autre production, Hallbrand. Voici Réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout s'il est gastro-entérologue. Parce qu'en plus de faire mal, ça fait chier un max. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated, cause I, Pendragon, said so. Go. Alone in all that cold blackness. Signal the end of time. What about pressure effects, tremors, vision problems, euphoria? We'll be right back.

89.1. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. C'est fou. C'est fou. Le jeudi 19h, écoutez Très Blues Assez Fou. Nous présentons le blues de ses origines au blues d'aujourd'hui. La chronique de Paul Deslauriers, les biographies de Steven Hubert et des prestations en direct. Très Blues Assez Fou sur C'est Fou 89.1 FM. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie. Également, des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Lundi, les Daily Hounds vous présentent une émission variée qui passe de faits divers à la présentation de personnes inspirantes. Soyez des nôtres. Les Daily Hounds, lundi à 13h à C'est Fou 89.1 FM. Vous êtes assez fait. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. Well, je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation, en ce 1er décembre de l'an de disgrâce 2015. Je suis le Dr. Pain Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h. Comme premier bloc en ouverture d'émission, avant cette pause publicitaire, nous avons eu l'excellente formation britannique Satan et la pièce The Devil's Infantry, qui est une pièce tirée de leur non moins bon dernier album, Atom by Atom, qui est paru le 2 octobre dernier sous étiquette Listenable Records. C'est un très bon album. En fait, c'était un bloc typiquement heavy metal, mais du bon heavy metal comme je l'aime, ce qui est relativement rare. Juste auparavant, nous avions Gravedigger et la pièce Grave Desecrator. C'est tiré de l'album Return of the Reaper. Pardon. Quelle horreur. Pardon. L'album Return of the Reaper qui est paru en 2014 sur Napalm Records. Nous avions Hell, formation britannique qui est renaît de ses cendres avec l'album en 2011, l'album Human Remains. Formation qui, ma foi, est assez originale, je dois le dire, dans le genre, la pièce Dark Angel, qui est tirée de Cursed in Chapters, c'est leur deuxième parution, qui est sortie en 2013 sur Nuclear Blast. En fait, je me demande bien à quand le prochain prochain album de Hell. C'est paru quand même le 22 novembre 2013, donc il y a, ma foi, 2 ans et quelques jours de plus, là. Bon, c'est un peu la norme là, d'attendre 2 ou 3 ans pour avoir un album maintenant, ce que je trouve un peu long par moment. On a ouvert avec Accept, formation allemande, et la pièce The Abyss. C'est tiré de l'album Blood for the Nations, qui est paru en 2010 sur Nuclear Blast. C'était aussi, selon moi, des très bons albums qu'ils ont fait dans les derniers. Et honnêtement, je sais que je vais peut-être en choquer quelques-uns qui sont amateurs de Accept depuis les débuts, mais moi, personnellement, je préfère le vocal de Mark Tornillo à celui de... excusez-moi, de Udo, de Schneider. Je trouve qu'il y a un très bon vocal, Tornillo, et je pense qu'il fait une très belle job avec Accept. Cette semaine, je vous l'ai dit, je n'ai pas un, mais bien 2 spéciaux à vous proposer, spéciaux musicaux, parce que on risque de me répéter, mais je vais le faire jusqu'à la dernière, avant la période des fêtes. réanimation jusqu'à c'est tout un jeu de mots, ça. Jusqu'au 15 décembre, qui sera la dernière émission pour 2015. Eh bien, il y aura à chaque édition des spéciaux ou un spécial, selon le cas, sur des groupes qui me plaisent particulièrement. Et ce soir, comme je l'ai dit, j'en ai deux. Bon, est-ce que c'est pour me faire pardonner que je n'aurai aucune chronique, ou en fait, à peu près pas chronique cinéma ce soir et aucune chronique musicale? Non. Musicalement parlant, il n'y a absolument rien qui m'a intéressé, du moins, qui est sorti et qui était, selon moi, digne de s'y attarder. Côté cinéma, c'est assez simple. Voyez-vous, le 18 décembre, c'est-à-dire dans 17 jours, c'est la sortie du nouvel épisode de Star Wars, dont je suis un fan et dont je ne m'en cache pas du tout, de Force Awakens. Et j'ai vraiment hâte de le voir, mais pour me remettre dans le bain, je me suis tapé un marathon de Star Wars, c'est-à-dire du premier au sixième. Donc j'ai pas écouté à peu près rien d'autre, mis à part le fait que j'ai continué à écouter la série dont je vous ai parlé la semaine dernière, qui est Homeland. Donc il y a pas de chronique cinéma vraiment cette semaine. En fait, s'il y en avait une, elle vient d'être faite. Par contre, je vous propose deux spéciaux, comme je vous l'ai dit, et le premier spécial s'adresse à une formation montréalaise, en fait d'origine, puisque maintenant elle est peut-être plus, je peux pas vous dire exactement là, mais c'est de l'Ouest canadien maintenant. Formation Aggression, formation qui existe depuis 1985. En fait, de 85 en 85, fonctionnait sur le nom de Asylum, qui était quand même un très beau nom aussi. Et de 85 à 89, ils avaient pris le nom de Aggression pour revenir en 2005-2006 sous le nom de Aggression et refaire surface en 2014 sous le nom de Aggression. Effectivement. Bon. C'est une formation qui, moi, personnellement, m'a marqué beaucoup et je pense qu'il a marqué plus d'un amateur de métal et pas nécessairement seulement au Québec ni au Canada, mais je dirais, et pas nécessairement seulement non plus en Amérique, mais je parle à l'extérieur de façon passablement nationale et internationale, je dois le dire, pour avoir sorti tout de même que trois albums durant toute cette période, qui est une période de 33-35 ans, quelque chose comme ça, dont le dernier album est issu de cette année, en 2015, soit Fracture Psyche Demons. Trois albums, beaucoup de démos qui ont circulé, mais surtout une réputation qui était absolument extraordinaire dans le milieu du métal, des fous furieux. C'était le cas. C'était des fous furieux dans un spectacle qui était complètement démentiel. Une musique qui était très avant-gardiste pour l'époque, très, en fait, que je considère encore très d'actualité, très audacieuse, très rapide, très martelante, très violente aussi. En fait, la musique était violente, mais en spectacle, ça l'était un petit peu plus même. Pour tout ça, je vous propose quatre pièces tirées des trois albums. Vous allez me dire, ben là, quatre pièces des trois albums, ça marche pas, Doc. Vous avez raison, je suis compté jusque-là. Donc, il y a deux pièces tirées du même album. Voilà. En vilant dans les dents. Aggression, tout de suite avec une première pièce qui est tirée de Forgotten Skeleton. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Forgotten Skeleton était le premier album enregistré officiellement de Aggression, mais c'est le deuxième à être paru. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc, voici sans plus attendre, spécial Aggression et la présentation de mon bon ami... Salut, ici Denis Sasquatch, Bart du groupe Aggression. Vous écoutez Reanimation, The Undead Incorporated Show avec le Dr. Pendragon sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Keep on tracking, metalheads! We'll be right back.

Audiomatique avec les électronistes tous les mercredis à 17h. What's wrong with you? Vendredi 4 décembre, 21h30, la formation ontarienne Danny Ladge and Deluxe visite votre café-bar Le Zénon. Pour une soirée indie-pop, ne manquez pas le spectacle de Danny Ladge and Deluxe ce vendredi 4 décembre, 21h30. Le Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Génie en liberté, émission d'actualité, d'information et d'opinion, tous les jeudis à 9h30. Vous êtes assez fait, 89. h 55. Vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation, The Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. On vient d'entendre ce spécial Aggression qui comportait les pièces suivantes. Sick and Disturb, c'est tiré de leur dernier album paru cette année sur Gallery Records, sur Fractured Psyche Demons. Le vocal de Brian Langley, Ex-Infernal Majesty. Juste auparavant, nous avions Demolition, qui est tiré de The Full Treatment, qui est paru initialement en 1987, dont il y a eu une réédition en 2005 sur Great White North Record. C'était le vocal de Pierre Cactus Pete, bien entendu. Juste auparavant, nous avions Frozen Aggressor. Ça, c'est une pièce dont les lyrics sont assez, les paroles, si vous préférez, sont assez peu reposantes. Mais c'est une excellente pièce aussi. Frozen Aggressor, c'est également avec Cactus Pete au vocal. C'est tiré de l'album de Fall Treatment, qui est paru, comme je viens de dire, en 87, en réédition 2005. Et nous avions ouvert avec une pièce tirée de Forgotten Skeleton, qui est le premier album à avoir été enregistré par Aggression, mais qui n'est jamais paru avant 2004 sur Great White North Records et qui a été repris par Full Moon Records et ainsi de suite, dont on peut retrouver certaines éditions et rééditions aujourd'hui assez facilement. Et heureusement, on a entendu Mutilator, qui était l'introduction à Beware of the Scarecrow, qui est une excellente pièce d'Aggression et dont le vocal était assuré par le chanteur et vocaliste original Eric Butcher Langlois, qui était un vrai fou furieux sur scène, doit-on le dire. Donc, j'espère que ça vous a plu, parce que Aggression, c'est vraiment une des formations qui a marqué l'histoire du métal à beaucoup plus grande échelle que les gens pourraient le croire, qui encore fait parler d'elle aujourd'hui, ben évidemment, puisqu'ils ont repris du service en Denis Sasquatch Bard, bien entendu, principalement. Et on sait qu'au courant de l'été dernier, Yves Doc Duguay, le bassiste original d'Aggression, s'est joint à lui pour quelques spectacles. Donc, je devrais avoir un entretien avec Denis éventuellement pour qu'il m'explique le statut actuel de Aggression. Bref, c'est ce qu'on s'est écrit par courriel. Va-t-on trouver le temps? Espérons-le. Il est 19h58 présentement et nous allons tomber dans le deuxième spécial immédiatement de cette programmation de réanimation, qui s'adresse à une formation qui existe depuis 1987, mais qui portait un autre nom également, un peu comme Aggression l'a fait. De 87 à 89, il portait le nom de Hammond. Et en 89, il se rebaptisait pour Dayside, qui est une formation de death metal qui vient de la Floride, de Tampa plus précisément. Formation qui fait partie des icônes du death metal encore aujourd'hui. J'ai eu le plaisir d'avoir Dayside en entrevue, en spectacle. Et c'est assez bien, c'est assez, je dirais, ça rentre pas mal bien. Et Glenn Benton, malgré le fait qu'il a l'air d'être quelqu'un sorti tout droit d'un asile psychiatrique, un fou furieux, c'est quelqu'un qui peut avoir une certaine humour sur scène. Bref, je vous propose des pièces tirées de 6 albums entre 2001 et 2013. Soit tiré de Intermittent Hell, Scars of the Crucifix, The Stench of Redemption, Till Death Do Us Part, To Hell With God et In the Minds of Evil. Et on débute tout de suite avec Vengeance Will Be Mine. Decide. Go! Bye. I'm gonna

Rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie. Également, des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Vous êtes assez fait, assez fait, assez fait, assez fait, assez fait. Il est 20h24 et vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation, The Undead Incorporated Show, avec moi-même, votre humble et bon docteur, Pain Pendragon, jusqu'à 21h. On vient d'entendre ce spécial D-Side qui était constitué des 6 derniers albums que la formation américaine nous a si gentiment offertes. On entend In the Minds of Evil, qui est la pièce titre de cet album, qui est paru en 2013 sur Century Media. C'est aussi le dernier paru en liste à ce jour-ci. Nous avions Save Yours, et qui est tiré de To Hell with God. C'est paru en 2011 sur Century Media. Eight of All Hatreds, qui est tiré de Till Death Do Us Part, qui est paru en 2008 sur E-Rake. Desecration, tiré de Stench of Redemption, qui était le... Ben en fait, c'était l'album où les frères Hoffman n'étaient plus là. En 2006, sur E-Rake, Scars of the Crucifix, tiré de cet album... Ben en fait, c'est la pièce titre de l'album paru en 2004 sur E-Rake, qui était le dernier album qui mettait en ligne les frères Hoffman, justement. Et nous avions le sixième album de la formation des Sides, soit... In Torment in Hell, qui est paru en 2001 sur l'étiquette Roadrunner, et la pièce Vengeance Will Be Mine. J'espère que vous avez apprécié. Si ce n'est pas le cas, c'est pas mon problème. Ceci étant dit, je ne serai pas à Rock Classique pour les 5 prochaines semaines. En fait, ça devrait être comme ça. Rock Classique va prendre une pause à compter du 18 décembre. Ce sera la dernière émission de 2015, le 18 décembre. Et le retour devrait se faire normalement le 8. Et je serai au retour avec le Rockmaster pour redébuter cette année 2016 avec autant de bonnes pièces rock et autant de choses sérieuses et d'informations pertinentes comme... J'ai dit pertinente parce que ça, c'est la partie du Rockmaster et les niaiseries, c'est les miennes. Quoi qu'il s'en vient, pas si mal, je dois dire. Mais quoi qu'il en soit, ce vendredi, il y a une émission Rock Classique à compter de 11h sur les ondes de Cifou 89.1 FM. Et ce sera une émission gros et long canon. Donc, Rockmaster va vous présenter des pièces qui sont des gros canons, des titres importants pour des formations telles Genesis, Jethro Tull, Gentle Giant, Pink Floyd, Emerson, Lake and Palmer, Opeth, et même Epica, semble-t-il qu'il y a quelque chose d'épique là-dedans. Bon, King Crimson, et ainsi de suite. Et ça risque d'être une émission quelque peu particulière. Je vous laisse à découvrir ce vendredi dès 11h jusqu'à 17h. Un classique pour les vrais amateurs de vrai rock. Voilà. Et ne pleurez pas si je ne suis pas là, parce que je vais revenir. Et en attendant, ben il vous reste quand même 2 émissions à réanimation avec moi. Donc, puis là, de toute façon, écoutez bien, le Rockmaster, il est assez grand pour se débrouiller tout seul, là. Puis il est amplement capable de dire des niaiseries aussi. Voilà, ceci étant dit, la semaine prochaine, j'aurai un spécial pour vous, effectivement, comme c'est depuis les dernières semaines et jusqu'à la dernière de l'année 2015. Et le spécial de la semaine prochaine sera un spécial relativement long, en 2 parties, bien entendu, qui portera sur la formation Testament. Donc, ça risque d'être assez intéressant parce qu'ils ont eu du bon matériel. Ils en ont encore, d'ailleurs, Testament. va aller faire un petit tour du côté. Vite de même, ça me semblerait être du death metal, effectivement. Ça y ressemble beaucoup. On va aller voir si ça a la sonorité du death metal. Firespawn, Lucifer has spoken. Go! 20h53, l'émission tire à sa fin. On vient d'entendre la formation American Immolation et l'excellente pièce de Great Sleep tirée de la dernière parution de 2013, soit Kingdom Conspiracy, qui est parue sur Nuclear Blast. Nous avions la pièce pratiquement ambiante de Decapitated, soit Blindness, longue pièce tirée de Blood Mantra, qui est parue en 2014, également sur Nuclear Blast. C'est leur dernière parution de cette formation polonaise que j'aime vraiment beaucoup. Eight, c'est une formation qui devrait vraiment être de plus en plus connue parce que c'est vraiment excellent en fret death metal. Formation, l'album était Crusade Zero et la pièce Tyrie Leviathan, longue pièce aussi, c'est paru en 2015 sur Napalm Records. Formation qui vient de Pologne également, de Warsaw, qui existe depuis 1990. J'ai découvert Eight sur le tard, mais je me suis intéressé à ce qu'il faisait auparavant et je dois dire que c'est vraiment une des très bonnes formations dans le genre. Je la recommande sans aucune retenue. Nous avions en ouverture de bloc une nouvelle formation qui porte le nom de Firespawn. Je dis nouvelle formation, mais par contre, il ne s'agit pas de nouveaux musiciens parce que Firespawn, c'est une formation qui est issue Qui est issu de Suède, oui, de Stockholm, mais qui comporte, entre autres, LG Petrov, qui est le chanteur de Entomb, AD maintenant, ex-Entomb tout court, comporte Frédéric Falker de Necrophobic, formation qui existe toujours, et Victor Brandt, qui a été aussi dans la formation Six Feet Under, mais à titre de spectacle pour musiciens de live, si vous préférez. Donc, puis Alex Freebeck est aussi de Necrophobic. Donc, c'est une formation qui comporte des musiciens d'expérience, qui ne sont pas tous des jeunesses, mais qui font un excellent matériel. Je vous rappelle que la semaine prochaine, de 19h, c'est une autre émission de réanimation, mardi, bien sûr. Cette fois-ci, je ferai un spécial simplement un spécial de la formation américaine Testament. Donc, un spécial sur deux blocs qui risque d'être, ma foi, assez intéressant. Et je vous rappelle que ce vendredi, dès 11h, ici même assez fou, c'est Rock Classique en compagnie du Rockmaster. Mais pas de moi, mais je vais revenir. Mais en 2016, en début 2016. Je vous invite à rester des nôtres à Cifou 89.1 FM, parce que dès 21h, les Mardis Métal se poursuivent avec Matière Noire. Sam et Alex seront au contrôle de la console pour vous proposer leurs choix musicaux qui, ma foi, généralement, sont quelque peu intéressants. Ou voire pas du tout, mais ça, ce sont leurs choix. Mais non, c'est faux. Je vous laisse avec une dernière pièce de mon groupe préféré de death metal. Il s'agit de Morbid Angel, une pièce tirée d'un album, ben c'est le dernier en ligne jusqu'à présent, un album qui a été boudé par plusieurs, mais que moi je considère fort intéressant. Il y a de sacrées bonnes pièces là-dessus. Je vous laisse avec la pièce Existo Vulgare. C'est tiré de Illud Divinum Insanus, qui est paru en juin 2011, et le statut de Morbid Angel est assez précaire présentement, donc j'ai peu d'espoir qu'ils nous reviennent avec un autre album studio. C'est en fait, il n'y reste plus beaucoup de personnes dans Morbid Angel là, actuellement, mais c'est à suivre, sait-on jamais. Tel le phénix, peut-être renaîtra-t-il de ses cendres, Morbid Angel. Et en attendant, n'oubliez pas les bonnes prescriptions de votre docteur, en particulier celle-ci: allez tous vous faire foutre, c'est où. Vulgar of the God. Jack Wall.